qui co-organise avec Camille et moi le séminaire, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, Le Pont, et qui est par Gluckman, un anthropologue, l'analyse d'une situation sociale dans le Zululand moderne et qui date de 1940. Il décrit dans une première partie les événements accompagnant l'inauguration de ce pont en 1938 dans une zone relativement périphérique d'Afrique du Sud, et dans le deuxième temps, celui qui a retenu surtout mon attention, l'interprétation des relations qui ont lieu au cours de cette inauguration, qui sont évidemment des relations qu'il ne nomme pas encore comme ça, mais on est au cœur des relations ethniques. Donc, ce qui a retenu mon attention, vous pouvez le trouver, ce texte, il a été traduit par Benoît Delestoile, et on le trouve dans Genèse, numéro 3, 2008, et le numéro d'ensemble, c'est le numéro 72. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est comment la description des interactions, et à travers cette description, il montre qu'il y a un seul système social, une seule société, celle des Zoulous blancs. Il y a un système d'interdépendance, même s'il s'agit d'une relation de conflit. Et ceci était déjà une critique de l'anthropologie essentialiste. Et je le cite là juste pour une petite phrase. Certains Zoulous, mieux formés, tendent à retourner vers d'anciennes coutumes, ce qui semble un retour en arrière. Ceci est encouragé par l'administration comme faisant partie de la politique de ségrégation et de développement parallèle, et a produit une anthropologie sociale qui enregistre la vitalité de la culture indigène sans s'interroger sur ses causes. Alors, ce phénomène de durcissement de la tradition en situation migratoire a été souvent analysé de manière, à mon avis, fautive, relevée par des ethnologues qui s'intéresse plus aux coutumes qu'au système social. A l'inverse, Gluckman, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, relie le phénomène de renaissance de la culture zoulou, marqué en particulier par la création en 1924 de l'INCATA et en 1937 de la Zulu Cultural Society. Il les relie aux obstacles à la promotion sociale rencontrée par les Zoulous, notamment les Zoulous scolarisés, du fait de la barrière de couleur. Ils ne tentent pas de reconstituer l'évolution des coutumes Zoulous, mais le développement, depuis le XVIIIe siècle, de la communauté, justement, Zoulou blanc. Et, à mon avis, c'est une manière de ne pas réifier les différences culturelles comme il le dit, et ça c'est vraiment intéressant pour analyser les situations actuelles, cette réification des différences culturelles fournissant des armes aux partisans de la ségrégation. Donc on voit le cercle qui s'instaure à partir du moment où on prend ce système de relations qui est une communauté zoulou blanc. On voit les intérêts que chacun a à insister sur, par exemple, la différence ethnique, à l'amplifier et à interpréter l'autre à partir de ces différences. Et c'est justement ce que refuse, c'est intéressant, parce qu'il est en plein dans une société qui va après accentuer et et légiférer pour une société d'apartheid. Et ils montrent bien que c'est cette relation, alors que très souvent, chez les ethnologues, ils ont tendance à dire, ah, ben, vous voyez, le poids des coutumes, quand ils sont en migration, ils reviennent en arrière, etc., etc. Voilà, donc ça, ça a été un texte, hein, pourtant 1940, je répète, qui était très important pour moi. Vous pouvez m'arrêter, hein, on ne va pas faire peut-être un exposé complètement formel. De même, à la fin des années 70, mes travaux concernant l'immigration ont toujours porté sur ce qu'on pourrait appeler, à l'instar de Gluckman, le système français-étranger. Et c'est comme ça que je crois j'ai pu éviter d'une certaine manière certains avatars. Un deuxième texte, je serai encore plus courte là-dessus, et j'étais là à l'époque à l'URMIS, et celui de Daniel Juteau, et je peux vous en donner aussi la référence, l'ethnicité comme rapport social, dans la revue qui s'appelle MOTS, M-O-T-S, donc mot au pluriel, de décembre 96, numéro 49. Et il a retenu mon attention tout particulièrement pour la mise en évidence d'une double dimension de la frontière ethnique, la frontière externe, mais aussi la frontière interne. Et vous verrez au cours de l'exposé que je me sers de cette distinction. Pour elle, elle affirme d'emblée dans ce texte que l'ethnicité existe, la croyance, elle la définit d'ailleurs comme la croyance en des ancêtres communs, réels ou putatifs, et ce qui distingue le groupe ethnique d'autres catégories sociales et culturelles, dit-elle, telles que les femmes, les prolétaires, les jeunes, les universitaires. Et moi, j'insiste, parce que vous verrez, c'est ce qui tempère mon rapport aux théories, à l'ethnicité, sur le fait qu'elle mentionne les catégories de femmes, prolétaires, jeunes. Pour elle, l'ethnicité constitue une réalité, un fait social, qu'on a intérêt à reconnaître et à appréhender dans ses dimensions, tant objectives que subjectives. Elle précise aussi que la dimension externe de la frontière se construit dans un contexte de relations sociales qui résulte de deux choses, la colonisation et la migration. Qu'elle soit de type involontaire, comme dans l'esclavage, ou volontaire, elle dit. Colonisation et migration, pour ma part, j'ai toujours tenté, et vous l'avez vu peut-être dans le texte que je vous ai donné, de prendre en compte le lien entre colonisation et migration. Et un de mes premiers textes, d'ailleurs, s'appelait « De l'indigène à l'immigré », bien avant que les indigènes de la République n'apparaissent, parce que je crois que c'est un thèse de 1978, je ne sais plus exactement. Enfin, peu importe. Je pense que cette inscription des migrations dans l'histoire est tout à fait importante, et là encore, permet d'éviter un culturalisme figé ou l'essentialisme. Le colonialisme et les migrations, mais il faudra élucider le lien, les migrations internationales contemporaines représentent des phénomènes interdépendants et indissociables de autre chose encore. Donc on a l'histoire, le colonialisme, les migrations, mais elles sont indissociables de l'impérialisme et de la constitution du système monde. Donc, si vous voulez, ces deux termes, colonialisme, migration, doivent être encore enchâssés dans un troisième terme, le système monde. Et par exemple, hein, pour ne, je vous prends un exemple comme ça, on ne peut expliquer les tentatives de migrants ou de migrantes de rejoindre la forteresse Europe au péril de leur vie sans référence précisément au système monde. J'avais fait une enquête il n'y a pas très longtemps à Bamako sur les représentations des jeunes candidats à la migration et il est évident qu'ils sont insérés dans ce système monde et que c'est pour affirmer cette insertion pour une part qu'ils risquent leur vie pour partir. Ils vous disent « ici, je ne suis rien, personne, et il faut que je rejoigne le cœur de la modernité pour être quelqu'un ». Mais c'est très fort, il y a des dimensions existentielles à cette volonté, à tout prix, et à des prix extrêmement élevés, de partir. Donc, si vous voulez, il y a dans l'immigration des pratiques... des deux côtés, alors, des pratiques d'appropriation, d'exploitation, d'exclusion dans le travail, dans le logement, dans le milieu scolaire, et qui privent les individus de leurs droits juridiques, politiques, économiques, culturels, etc. Qui provoquent ainsi l'émergence de collectivités distinctes et qui tracent de nouvelles frontières. C'est-à-dire que, là encore, vous m'arrêtez hein, si vous trouvez que ce n'est pas clair ce que je dis. Là encore, on est dans ce mouvement que Gluckman avait remarqué. Il y a un jeu de questions-réponses, ou d'imposition plutôt que questions, imposition-réponse à ces impositions. Ainsi, les soninkés rencontrés dès le début de mes recherches concernant les immigrés, et plus précisément dans les foyers, on peut dire qu'ils sont devenus soninkés en France. Alors évidemment, je reviendrai là-dessus, selon des modalités propres à la situation de l'étranger. Et donc, on va voir comment il va y avoir une reconstruction de la soninkitude, je ne sais pas comment on dirait, et qui sera propre, particulière, à la situation en France. Que ceux qui sont restés au village, après, vont trouver que ce n'est pas des vrais soninkés, que les autres, c'est, d'ailleurs, ils les appellent souvent les Frenchmen, les Toubab, etc. Et donc, pourtant, il va y avoir des revendications d'être soninkés. Donc là, c'est vrai que le processus s'est déroulé vraiment sous mes yeux, puisque j'ai travaillé 40 ans sur ces migrants, sur ces personnages, sous mes yeux et à travers mes observations, j'ai vu beaucoup de jeunes qui, quand ils sont arrivés, voulaient être des jeunes comme tous les autres jeunes, des jeunes de leur temps, des jeunes de la modernité, et qui, et c'était pour ça qu'ils venaient, hein, parce qu'ils avaient véritablement envie de s'affirmer comme de leur temps, et bien qui, à leur corps défendant, bien qu'étant partis en rupture de leur village, et vont petit à petit se reconstruire autour, entre autres, on va bien voir que c'est entre autres, d'une identité soninkée. Alors, il faut bien voir que le groupe majoritaire, je désigne, cette désignation est incluse pour moi dans une perspective en termes de relations interethniques. Je pense que les relations interethniques permettent d'aborder certaines des formes de la domination. Et donc d'un côté, vous avez le groupe majoritaire qui va conserver, en situation migratoire, hein, je dis bien, qui, c'est la même chose dans le colonialisme, enfin, le groupe majoritaire conservant le monopole des ressources, de leur distribution, et à ce moment-là, hein, dans la mesure où ce groupe majoritaire conserve le monopole des ressources, on va avoir des communalisations qui englobent un ensemble d'intérêts matériels et idéels, tels que le contrôle et la répartition des biens économiques et sociaux, de l'honneur, du prestige, de la culture nationale, etc. La nature de la relation initiale va à la fois provoquer des revendications et de la relation, je veux dire, entre dominé et dominant. Hein. Donc cette relation va influer à la fois sur le type de représentation que les gens ont d'eux-mêmes et sur le type de revendication. D'un côté, si vous voulez, comme les peuples qui ont été conquis ont réclamé l'indépendance politique et l'expulsion des colonisateurs, les immigrés vont lutter, mais alors vous voyez bien, ça change le rapport, vont lutter pour l'égalité dans l'emploi, le logement, notamment. Et alors que les peuples autochtones revendiquent le contrôle de leurs institutions, les immigrés, qui sont aussi, je dis aussi des autochtones ayant été colonisés, hein, c'est leur passé, ça, ils ont été colonisés, par exemple au Mali, les Soninké, vont rechercher l'adaptation des institutions de la société d'accueil à leurs besoins spécifiques. C'est-à-dire que et plus ils vont s'organiser pour revendiquer, plus ils vont se sonifier, se soninkifier ou je ne sais quoi. Oui, vous voyez le rapport. Et là, je pense par exemple aux indigènes de la République. Et on voit ce mouvement constituer ou le cran ou différents mouvements qui, au fur et à mesure, vont essayer de demander ce qui n'est pas du tout une revendication traditionnelle, de demander par exemple des droits, hein, des droits particuliers. Et c'est tout le débat aujourd'hui sur la laïcité. Est-ce qu'elle peut accepter cette demande de droit ou non, parce qu'en principe, elle ne reconnaît que des citoyens. Et ça, c'est assez particulier à la situation française. Alors, comme je disais qu'on pouvait éventuellement vous entendre, juste parce que dans le processus là que vous décrivez, il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer des formes d'organisation et de mobilisation qui ne se feraient pas au nom de la soninkitude. Oui, qui pourraient se faire. Ben je vais revenir après parce que je vais vous prendre les exemples. Hein. Là, je suis un peu dans la généralité, mais effectivement, les luttes des foyers, dans la mesure où en plus il y avait beaucoup de nationalités différentes, etc., se sont faites et les identités ne se dessinent pas, justement, toujours et surtout pas du tout, uniquement autour de l'ethnicité. C'est sûr que personne, et vous allez voir pourquoi un certain nombre de mes réticences sur cette nomination relation inter-ethnique. Donc, souvent, hein, et pas toujours précisément, leur lutte vont s'articuler en termes de qualité commune plutôt que en termes de relations qu'ils peuvent avoir, qu'en termes de relations que eux-mêmes ne voient pas forcément. Enfin, ils peuvent même invoquer une histoire commune, mais qu'ils reconstruisent en plus ou moins. Hein, justement, vous avez eu raison de m'interroger, de m'interrompre. En tant qu'ils reconstruisent plus ou moins en excluant les autres. Et précisément, c'est sans doute lorsque on exclut au maximum les autres que on assiste à une forme de communautarisme. Et communautarisme, qui est aussi au cœur des débats aujourd'hui, après le mois de janvier, communautarisme qu'il faut étudier de près, hein, ne pas présupposer, mais le questionner et l'énoncer comme objet d'investigation. Je fais donc allusion à l'utilisation par les médias et certains politiques aujourd'hui de cette notion de communautarisme. Et nous, en tant que chercheurs, on a effectivement à ne pas la présupposer. Et ne pas présupposer, en rapport avec votre question précisément, que n'interviendrait dans la vie, ou oui, la vie avec ses luttes et son quotidien, ne pas présupposer que ce qui est en jeu, c'est toujours et seulement l'ethnicité. L'ethnicité, finalement, si elle est bien réelle et non imaginaire, elle est concrète aussi, hein, tout en étant imaginée. Et c'est là le fondement de son caractère durable, de sa capacité mobilisatrice, dans le monde d'hier comme dans le monde d'aujourd'hui. L'histoire, hein, le prouve à l'envi, et on meurt, hein, pour son ethnie, entre guillemets, et ça donnait lieu à des conflits qu'on connaît bien, sanglants, je pense au Rwanda, où on est mort pour ou à cause, d'ailleurs, de son appartenance ethnique. Donc, même si c'est l'ethnicité n'est pas naturelle et est une construite, elle est bien réelle. Donc, il y avait aussi, avant d'entrer dans les exemples, deux ou trois textes que je ne vais pas analyser tout de suite, parce que vous les reconnaîtrez tout au long de cet exposé. C'est tous les textes donc, de Véronique de Ruder sur la recherche, qui font le point sur la recherche sur la coexistence pluriethnique. Alors vous avez Espace et Société en 97, enfin si vous avez envie, on est en train de faire un recueil des textes de Véronique où on a toutes les références bibliographiques de ce qu'elle a fait, et on s'est rendu compte qu'elle s'est bien bagarrée pour que ce domaine puisse exister. Et d'ailleurs, je vous dis à ce sujet qu'on organise un hommage scientifique, c'est-à-dire avec des vraies contributions des gens, le 17 juin. Vous recevrez sûrement des invitations. Alors, ça, il y a donc les textes de Véronique, puis un texte qui n'est jamais paru, qui va peut-être paraître, enfin qui doit, pardon, paraître, de Philippe Potigna et Jocelyne Streffena, qui s'appelle, qui est tout à fait intéressant, qui devrait paraître dans Terrain Schlass Théorie, mars 2015, de mars 2015, c'est une revue en ligne Philippe Poutinia et Streffena, qui s'appelle L'approche constructiviste de l'ethnicité. Et ça intéresse directement votre séminaire, pardon. L'approche constructiviste de l'ethnicité et la réification des oppositions analytiques constitutives de ce domaine de recherche. Donc voilà aussi un beau projet et un texte qui est tout à fait intéressant. Bon, vous savez qu'ils avaient été déjà les auteurs des théories de l'ethnicité. Et là, c'est une manière de faire un peu le point sur les difficultés de ces théories. Et un point critique. Voilà, donc ça c'était un peu pour vous parler des textes qui avaient été fondamentaux pour moi dans qui ont jalonné leur parcours. Maintenant, Je voudrais juste dire quelques petites choses avant de vous donner des exemples plus précis. Excusez-moi, j'ai pas compris le texte de Poutine et Strafénard. C'est un ancien texte qui vient de... Ah non, non, non, c'est un texte qui n'est pas paru, hein, qui n'est pas encore paru, qui doit paraître en mars, dans cette revue en ligne, Terrain, Chasse, Théorie. Mais ils attendent toujours, ils me l'ont donné, donc j'ai eu la possibilité de le lire, comme ça tombait bien pour votre séminaire. Et je me suis précipitée dessus. Donc, je voudrais maintenant préciser un petit peu le contexte lorsque je débute mes enquêtes dans les foyers pour jeunes, on les appelait comme ça, les foyers pour jeunes célibataires. À la fin des années 1960. Alors, on est encore dans la période dite des 30 Glorieuses, avant la suspension de l'immigration économique. Vous le savez, je le dis rapidement, la figure du travailleur immigré est celle du jeune homme célibataire, mobile, n'ayant pas vocation à s'installer en France. Ça, c'est important. D'autant moins qu'il est originaire des anciennes colonies. Il y a une politique du logement des migrants qui commence à voir le jour sous la forme des foyers pour hommes célibataires et qui envisageait plutôt la mobilité que l'installation de ces migrants. Alors, cette politique va avoir pour effet le regroupement des Maliens et plus particulièrement en majorité des Soninké, originaires de la vallée du fleuve Sénégal et plus particulièrement de la région du Mali qui s'appelle la région de Kay. Alors, ce regroupement est à la rencontre d'un double mouvement, celui donc impulsé par la politique migratoire qui considère les ouvriers immigrés comme des ouvriers de passage, ne devant pas s'installer en France, et d'ailleurs dans les foyers, il faut se rappeler de ça, les migrants n'ont pas le statut de locataire et ils sont censés n'y demeurer que 2 ans. Certains y sont encore 40 ans plus tard. D'autre part, alors, c'est le deuxième mouvement, hein, d'un côté une politique étatique qui va regrouper les gens selon leur origine, et d'autre part, les luttes des migrants eux-mêmes qui ont lutté contre ce qu'on appelait à l'époque les marchands de sommeil, et les conditions de logement catastrophiques, et qui demandent, et c'est là que les deux mouvements se rejoignent, et qui demandent à être relogés ensemble. Et ça a été une demande de leur part, et c'est ce qui leur a permis ce que j'appelle la possibilité d'une reprise d'initiative. Parce que regroupés, vous allez voir, ils pourront intervenir plus facilement. Alors, évidemment, les foyers qui constituent mon terrain d'enquête regroupent des migrants d'une ethnie, entre guillemets, en l'occurrence des Soninké, ayant une origine commune, tel ou tel clan, tel ou tel village, la région de Kay au Mali, ou plus largement la vallée du fleuve Sénégal. Ces deux caractéristiques de mon terrain ne m'ont entraîné à me situer ni du côté, bien évidemment, de ce que Gérard Noiriel nomme le pôle des origines, c'est-à-dire les ratios eugénistes tenant de la guerre des races, et les populationnistes nationalistes, ni à l'autre pôle, du côté de ceux qui considèrent l'origine comme secondaire et qui, en général, sont plus ou moins assimilationnistes, à l'instar, par exemple, de Durkheim, qui ne se penche pas du tout sur la question de la migration, des migrants, et, à ma connaissance, n'en parle qu'une seule fois dans de la division du travail social, pour dire, et c'est assez intéressant, que les immigrés sont particulièrement bien intégrables dans la mesure où ils ont rompu avec leur famille et les solidarités mécaniques, celles qui lient, selon lui, les personnes par des liens de similitude. Je ne vais pas vous faire un cours sur Durkheim, et vous devez bien connaître cette idée des assimilationnistes. Mais c'est intéressant parce que, justement, pour lui, les liens primaires étant rompus, le migrant était celui... C'était probablement, d'ailleurs, quand il parle de cela, les migrants qui venaient de la campagne vers la ville. Mais les migrants, quoique l'immigration d'étrangers avait déjà largement commencé quand il écrit ce travail. Alors, je ne suis ni du côté des origines, ni du côté beaucoup d'ethnologues le sont. Mais la question qui va se poser au moment où je commence, notamment et peut-être plus fortement à l'ethnologue, est comment ne pas participer au processus d'ethnicisation des populations avec qui l'on travaille. Processus qui, précisément avec la migration des anciens colonisés, ne cesse de monter en puissance, de se renforcer. Dans les années 70, c'est peu, l'ethnicisation n'est pas toujours utilisée, mais petit à petit, ce processus d'ethnicisation va être de plus en plus fort. Alors, il faut noter que s'il s'agit dans les foyers sur lesquels je travaille de Soninké, il s'agit aussi, et j'aurais envie de mettre des traits d'union, et ça fait référence à votre question, il s'agit de travailleurs, d'habitants, d'époux, de fils. Alors, à l'époque, ils sont presque tous des hommes. Il y a, à l'époque, 600 femmes migrantes sénégalaises maliennes. Et pas toutes soninkées, puisque beaucoup, c'était principalement des étudiantes, beaucoup viennent des villes. Pour dire que ces migrants travailleurs étaient presque en totalité des hommes. Et à l'époque, le domaine des migrations est très peu investi par les ethnologues. L'interdit qui avait été porté par Lévi-Strauss de travailler sur sa propre société pesait encore lourdement. Et il y avait une exception, et encore, elle ne se revendiquait pas complètement ethnologue, c'était, peut-être vous connaissez son ouvrage, sans doute d'ailleurs, Colette Pétonnet, Nous sommes tous dans le brouillard, 1970, qui porte sur l'effet urbain minoritaire. Et ce n'est que plus tard que s'affirme l'anthropologie des mondes contemporains, revendiquée par des gens comme Auger, Alta. Donc, première difficulté, c'est qu'il y a très peu de chercheurs, anthropologues, qui travaillent sur l'immigration. Et pourtant, moi je suis venu, j'étais d'abord philosophe, après j'étais sociologue, et je suis venu à l'ethnologie parce que je travaillais sur des Soninkés, et que, d'ailleurs, Gérard Altab lui-même, un jour il était venu avec moi dans un foyer, et il m'a dit, Gérard Altab et les migrants d'ailleurs, il m'a dit, il faut que tu connaisses l'histoire de cette société, ses coutumes, etc., sinon tu ne comprendras rien, il avait raison, à ce qui se passe dans le foyer. Et les migrants aussi m'avaient dit, si tu veux, je me rappelle très bien de cette phrase, si tu veux savoir qui l'on est, il faut que tu ailles voir d'où l'on vient. Et effectivement, c'est comme ça que j'étais partie dans leur village d'origine et que j'ai travaillé sur ce que j'appelais à l'époque le double espace, c'est-à-dire j'ai fait le chemin inverse de celui des migrants. J'ai pris mon baluchon et je suis partie avec eux pour aller voir d'où ils venaient comme ils me l'avaient demandé et comme Gérard Altab me l'avait aussi un peu intimé. Donc... Vous êtes partie avec eux, vous avez fait le voyage Avec eux, c'est eux, ils m'ont dit ça, enfin c'est long, mais ça je m'en suis bien expliqué dans un numéro de l'Arémie, dans lequel je refais un peu mon parcours et j'explique une expérience particulière, c'est que je suis partie avec eux, ils ont organisé le voyage, alors d'ailleurs ça donnait des limites à la connaissance. On a fait une recherche commune, ça a été extrêmement difficile de faire accepter par le CNRS, c'était une ATP à l'époque, qu'il y avait des migrants balayeurs des rues qui étaient intégrés dans une équipe de chercheurs. Intégrés, ça voulait dire surtout qu'on puisse leur payer les billets. Mais pas seulement du tout, hein, parce qu'ils ont contribué, ça je l'explique dans ce numéro de la Rémi, ça s'appelle Anthropologie et Migration, je crois, ou je sais pas quoi. Et ils ont beaucoup participé à la recherche, on a eu des échanges. Et c'est eux, ils m'ont dit, il faut que tu ailles voir là-bas, mais ils m'ont dit aussi, on veut comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'à l'époque, ça c'est une petite parenthèse, ils avaient des projets. Et des projets de transformation de leur village. Et ça échouait souvent. Hein. Et, on leur disait, il faut une pirogue pour traverser le fleuve, parce que Kai, par exemple, était d'un côté et leur village de l'autre. Ils achetaient une pirogue, ils revenaient au bout de 2 ans, la pirogue était enfouie sur le bord du rivage et inexploitable. Et ça donnait lieu à des conflits. Ils disaient, enfin, nous, ça nous coûte cher, cette pirogue, on vous l'offre, vous ne l'entretenez pas. Et les autres disaient, oh, ben, vous avez de l'argent, vous là-bas, etc. Enfin, bon, c'était compliqué. Et ils voulaient comprendre. Ils m'ont dit, on a besoin de l'ethnologie, il y a une demande d'anthropologie. On veut comprendre pourquoi les échecs. Donc, on est parti visiter les différents projets qu'ils avaient ensemble et interroger ceux qui avaient été porteurs de projets, ceux qui les recevaient, surtout parce qu'il y avait des échecs, je vous ai pris la pirogue, mais il y avait des tentatives d'école, il y avait tout un ensemble de choses qui étaient pour eux énigmatiques. Pourquoi les vieux s'opposaient complètement à la construction d'une école, hein. Donc on pouvait travailler là-dessus. Alors ça, c'est un des premiers éléments, c'est qu'on est dans une anthropologie de l'ailleurs, et de l'exotique, et pas une anthropologie de l'ici. Voilà. Un autre élément, c'est qui doit être signalé, c'est que chez les africanistes, on est en pleine période de déconstruction de la notion d'ethnie. Hein, vous avez le texte de Amsel et comment il s'appelle l'autre, bon, peu importe, oui, Mbokolo, au cœur de l'ethnie, et qui affirme, hein, et ça a été une rupture ça, en ethnologie, qui affirme précisément que l'ethnie est une construction sociale et notamment du colonialisme, et que finalement la notion d'ethnie est complètement relative à chacun, dit-il, son bambara. Hein. Donc, dans le milieu de l'ethnologie, un double frein, hein, à l'étude de ces relations inter-ethniques. Chez les sociologues, c'était pas beaucoup plus ouvert. Hein. Là, je vous renvoie au texte de Véronique Deruder, par exemple celui La recherche sur l'immigration, pour qui et pourquoi, de septembre 92, et dans lequel elle insiste sur l'idée que chez les sociologues français, il existe une forte suspicion Quant aux catégories, alors ça entre guillemets, ethniques et ethnies, dont le risque majeur est qu'elles soient essentialisées ou réifiées et risquent de fonctionner comme un label ou un système d'enfermement. Et c'est vrai qu'en France, on a tout, et c'est bien d'ailleurs, c'était bien, et c'est toujours bien mon souci, de ne pas enfermer, réduire les migrants à leur ethnicité, et qui est qui peut être un système précisément d'enfermement. Je renvoie au texte de Luhmann tout à l'heure, qui disait que c'était un des arsenaux de l'apartheid, que on est tellement différents, on est tellement ils sont tellement spécifiques qu'il faut se séparer. Et de fait, de toute façon, la notion d'ethnicité reste relativement floue à l'époque, et ça, comme elle nous vient des États-Unis, sa définition dans la sociologie américaine, qui à l'époque peu à peu pénètre dans les sciences sociales en France, nécessite évidemment, à l'évidence, un remaniement théorique pour l'adapter à précisément la structure sociopolitique française, où l'ethnique, entre guillemets, n'est pas traditionnellement une voie légitime d'expression collective. On ne reconnaît pas, justement, on les traite de communautaristes, on ne reconnaît pas la possibilité pour des minorités de s'exprimer collectivement. La République, bon, c'est des banalités, effectivement, entend ne reconnaître que le citoyen. Or, les étrangers, par définition, et c'est sans doute là la discrimination principale, les étrangers ne sont pas citoyens. Donc on tourne en rond quand même. Comment à ce moment-là peuvent-ils être entendus quelque part et comment changer finalement le rapport de force dans lesquels ils sont. Il y a des questions qui se posent. Ils passent par d'autres biais, puisque c'est les questions du logement, les questions d'égalité, etc. Voir s'il y a d'autres organisations qui ne sont pas des organisations sur la base du groupe ethnique et dans lesquelles il faut rentrer. Mais est-ce qu'ils peuvent rentrer? Est-ce que là encore, le dominant-dominé ne joue pas? Aujourd'hui, donc, des sociologues, et pour moi j'adhère à cette utilisation, emploient l'ethnicité, justement, lorsque la différence est perçue comme fondée sur l'origine commune. Donc on peut parler d'ethnicité quand on dit, bon, leur différence, différences, viennent de leur commune origine. Alors, il faut toujours se poser cette question pour qui, par qui et pourquoi. Néanmoins, à partir des années 80, en France, le débat va s'ouvrir. Attendez, j'ai oublié un truc. Oui, bon, je vais vous le dire tout de suite. Oui, il y a un troisième point qui me rendait réticente à cette question des relations interethniques, c'était le point de vue des migrants eux-mêmes. Dans mes enquêtes, ils s'exprimaient très clairement sur cette question. Il n'acceptait pas en France que l'on parle, je dis bien en France, que l'on parle d'ethnie soninké. Pour plusieurs raisons. Ils estimaient que ça les plaçait, ça les renvoyait à un archaïsme et d'une manière d'autant plus injuste qu'ils n'entendaient pas parler d'ethnie bretonne, corse ou autre. Et donc, ça leur était finalement réservé. Les majoritaires, ils le voyaient bien, sont des Français et les minoritaires, des ethniques. Et c'est ainsi qu'ils ressentaient fortement ce terme. Eux-mêmes, lorsqu'ils se présentaient au début, ils déclinaient, on leur demandait qui ils étaient, ils déclinaient d'abord leur pays, en disant « nous sommes Maliens », après ils disaient « de la région de Caille » ou « de la région de la Vallée » ou etc. Après, « de tel village » et enfin « de tel clan, de telle famille ». Bon, et c'est vrai que... il refusait par là implicitement d'essentialiser la race ou l'ethnie. Ils ne voulaient pas être définis par leur ethnie. Et ils le disaient clairement, on est soninké, d'accord, mais on est aussi travailleurs, ouvriers et un ensemble... voyez bien qu'un ensemble de partitions sociales, économiques, religieuses travaillaient le groupe. Et ils insistaient sur le fait que il n'y avait pas de raison. Pourquoi eux, hein? Pourquoi eux alors qu'on n'avait pas, on n'aurait pas attribué, on n'aurait pas parlé d'une ethnie corse par exemple, on parle du peuple corse par exemple d'ailleurs. Controversé. Donc, si vous voulez, ils avaient un refus et on peut dire qu'en situation migratoire, nombreux sont ceux qui s'estiment plus ouvriers que soninké, parce que égaux en tant qu'ouvriers, entre eux, à l'intérieur de la frontière, et pour une part, donc, refusant les hiérarchies qui avaient cours au village d'origine et qui ne les favorisaient pas, qui les minorisaient. Par exemple, vous voyez bien, ce qu'on appelle les anciens captifs, hein, les descendants d'esclaves ou les hommes de caste, qui ne voulaient plus être ici en France considérés comme des hommes de caste ou des anciens castifs, c'est-à-dire ce qui fait le système soninké finalement, était particulièrement vigilant sur cette question des assignations finalement à une ethnicité bien particulière. Et ça, j'ai vu les choses se transformer, hein, au fur et à mesure. Que